tandis qu'Ayrton presse Glenarvan de l'envoyer avertir le Duncan pour qu'il se rapproche de la côte, le major s'y oppose et il fut décidé qu'on attendrait pour agir l'arrivée à Twofold Bay. Une lourde chaleur pesait sur la contrée. De midi à 2 heures, on traversa une curieuse forêt de fougères qui eût excité l'admiration de gens moins harassés. Sous ces parasols immobiles régnait une fraîcheur dont personne ne songea à se plaindre. En cours de route, 3 des chevaux montés moururent d'une mort foudroyante. Le soir, après une marche de 10 000 seulement, le campement fut organisé et la nuit se passa sans encombre. La journée du lendemain, 13 janvier, fut bonne. L'état sanitaire de l'expédition demeura satisfaisant. Le soir arriva avec un brouillard nettement tranché à l'horizon, sur le cours de la Snowy, quand le chariot s'enfonça brusquement jusqu'au moyeu des roues. « Qu'est-ce donc ?» demanda Glenarvan. « Nous sommes embourbés, » dit Ayrton. « Qu'en pourrait ici ?» dit John Mangles. Ayrton parvint, non sans peine, à retirer ses 3 bœufs du terrain mouvant. Et finalement, chacun s'endormit d'un lourd sommeil. Vers 11 heures, le major se réveilla. Ses yeux demi-fermés furent frappés d'une vague lumière qui courait sous les grands arbres. Un immense plan de champignons émettait des phosphorescences. La lueur phosphorescente illuminait le bois pendant l'espace d'un demi-mille, et McNabbs put voir passer rapidement des ombres sur la lisière éclairée. McNabbs, après une rigoureuse observation, aperçut distinctement plusieurs hommes. Ce que voulaient ces hommes, il fallait le savoir. Le major n'hésita pas, et sans donner l'éveil à ses compagnons, rampant sur le sol comme un sauvage des prairies, il disparut sous les hautes herbes.